الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi رحمه الله تعالى sur les règles de la prière, de la zakat et du jeûne. Nous avons commencé la semaine passée le chapitre sur les prières surérogatoires et nous avons lu les paroles de l'auteur concernant le mérite des œuvres surérogatoires et leurs différents degrés. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa akadu tatawwu salatul kusuf, et la prière surérogatoire la plus confirmée est la prière de l'éclipse. Et ce car l'éclipse est un événement temporaire dont le temps est compté. Une fois l'éclipse terminée, la prière n'est plus légiférée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se réfugier dans la prière lorsque se produit une éclipse. Il a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Il ne s'éclipse pas pour la mort d'une personne, ni pour sa naissance. Si vous voyez cela, alors invoquez Allah, faites le takbir, priez et faites l'aumône. Et dans une autre narration du hadith, il a dit, lorsque vous voyez cela, cherchez refuge dans la prière. Donc la prière de l'éclipse fait partie des prières surérogatoires fortement recommandées qu'il ne convient pas de négliger. Et celle-ci a lieu en deux unités de prière d'une manière particulière. En effet, dans chaque unité, on accomplira deux inclinations et deux prosternations. Habituellement, dans nos prières, on fait une seule inclination et deux prosternations dans chaque unité. Mais dans la prière de l'éclipse, il y a deux inclinations dans chaque unité. On prononcera le takbir, puis on récitera surat al-Fatiha et une autre surat à voix haute, et de préférence une sourate longue ou de longs versets. Ensuite, on fera une longue inclination, puis on se relèvera de cette inclination comme on le fait habituellement en disant « Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd ». Et après cela, et c'est cela la particularité de cette prière, on recommencera une nouvelle fois la lecture. On récite à nouveau sourate al-Fatiha, et encore une longue récitation du Coran après celle-ci, mais moins longue que lors de la première lecture. Ensuite, on s'incline à nouveau, on se relève, puis on continue la prière comme les autres prières habituelles. Et dans la deuxième unité, on agit de la même manière que dans la première, mais de manière plus courte que dans la première unité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Thumma al-witr ». Après cela vient la prière du witr. Et ce car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La meilleure prière » après l'obligatoire et la prière de nuit. Et le witr fait partie de la prière de nuit. Et parmi les preuves démontrant que c'est une prière fortement recommandée, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait jamais, même lorsqu'il était en voyage. Il faisait le witr. Également, lorsqu'il manquait le witr, il le rattrapait durant la journée, en y ajoutant une unité pour le rendre père, comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Aïcha radiyallahu anha qui a dit « Lorsqu'il était pris par le sommeil ou une douleur l'empêchant de prier la nuit, il priait la journée 12 unités, c'est-à-dire durant la matinée, durant le temps de la prière de Dhuha. C'est le moment légiféré pour rattraper le witr pour celui qui l'aurait manqué en raison du sommeil ou en raison d'une maladie ou autre. Et on le rattrape en ajoutant une unité afin de le rendre père. Comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier 11 unités pour la prière de nuit. Donc, s'il lui arrivait de manquer cette prière, il la rattrapait durant la matinée en 12 unités. Il ajoutait une unité afin de rendre cette prière père. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Thumma Sunnatul Fajr » vient ensuite la sunna du Fajr, c'est-à-dire les deux unités surérogatoires qui précèdent la prière obligatoire du Fajr. Ces deux unités également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accomplissait constamment et même lorsqu'il était en voyage. Aïcha radiallahu anha nous dit à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas plus assidu à une prière qu'il ne l'était aux deux unités d'Al-Fajr, c'est-à-dire les deux unités recommandées précédant la prière obligatoire d'Al-Fajr. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces deux unités qu'elles sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, elles sont pour moi plus aimées que tout ce bas monde. Donc vous voyez le mérite de ces deux courtes unités de prière, qu'il ne convient pas de délaisser ni de négliger avant l'accomplissement de la prière obligatoire du Fajr. Et on va voir, inshallah ta'ala, comment ces deux unités s'accomplissent. Ensuite il dit, rahimahullah, « ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب » Vient ensuite la sunna du Maghreb et le reste des prières rawatib. Les prières rawatib, ce sont celles qui sont accomplies en permanence avec les prières obligatoires auxquelles elles sont liées. Le mot rawatib est le pluriel de ratiba. Et le mot ratib, en arabe, il désigne une chose constante, une chose permanente. C'est pour cela que ces prières sont appelées les prières rawatib, car elles sont accomplies en permanence avec les prières obligatoires. Et ces rawatib sont au nombre de 12. 2 avant la prière obligatoire d'El Fajr, 4 avant la prière de Dhuhr, 2 après la prière de Dhuhr, 2 après la prière d'El Maghreb, et 2 après la prière de l'Isha. Comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Habiba, radiyallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit 12 unités de prière en un jour et une nuit, c'est-à-dire en une journée, on lui construira par celle-ci une maison au paradis. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et dans une autre narration rapportée par At-Tirmidhi, il est rapporté que ces prières sont 4 avant le Dhuhr, 2 après, 2 après le Maghreb, 2 après l'Isha, et 2 avant Al-Fajr. Et le mérite de ces prières est un mérite immense, comme vous l'avez entendu dans ce hadith. Nul n'accomplit ces 12 unités sans qu'Allah ne lui construise par celle-ci une maison au paradis. Quelques minutes que tu consacres à l'adoration de ton Seigneur, avant ou après tes prières obligatoires pour accomplir ces unités. Et tu te verras obtenir ce mérite, bi'idhnillahi ta'ala. Et comme les gens de science ont mentionné, ceci nous indique que ces prières sont une cause d'entrée au paradis. En effet, si on construit à quelqu'un une maison au paradis, cela signifie qu'il fera partie de ses habitants, bi'idhnillahi ta'ala. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, que nombre d'entre nous sont plongés dans l'insouciance. On veut le paradis, on veut être sauvé de l'enfer, mais parfois on ne fait pas les causes pour cela. Des causes qui pourtant sont relativement simples et que chacun d'entre nous peut accomplir. Qui parmi nous ne peut pas être assidu à ces 12 unités de prière? 2 courtes unités que tu fais avant la prière obligatoire du Fajr. 4 unités avant la prière de Dhuhr. 2 après celle-ci. 2 unités après Salat al-Maghrib et 2 unités après Salat al-Isha. Si tu fais cela, on te construit une maison au paradis. Combien de temps te prennent ces unités? 20 minutes dans ta journée? Plus ou moins. Imagine-toi que dans ce bas monde, on te dise que si tu consacrais 20 ou 30 minutes, ou voire même une heure, à une action quelconque, et que suite à cette action, on t'offrirait une maison dans l'un des plus beaux endroits sur Terre. Qui parmi nous ne s'empresserait pas de faire cette action et d'y consacrer cette demi-heure ou cette heure? Tout le monde s'empresserait de faire cela, car tout le monde a ce désir d'obtenir ce bien qui ne fait partie que des biens vils de ce bas monde. Un bien qui est voué à disparaître. Regardez les efforts que les gens font pour construire des maisons ici-bas. Il se peut qu'une personne travaille 30 ans, 40 ans, 50 ans pour bâtir une maison dans laquelle il ne va vivre que quelques années, puis ensuite il va la laisser à ses héritiers qui en feront peut-être une source de conflit et de discorde, Wallahu al-musta'an. Ici, pour quelques unités de prière qui ne te prennent que quelques instants dans ta journée, tu as la possibilité de te voir construire une maison au paradis, un paradis éternel, une maison éternelle que tu ne perdras plus jamais, bi'idhnillahi ta'ala, après y être entré. Celui qui entre au paradis, il n'en sortira plus jamais. Il ne connaîtra plus aucune difficulté, plus aucune douleur, plus aucun malheur. Donc qu'est-ce qui t'empêche de faire ces quelques unités quotidiennement? Nul parmi nous ne doit être négligent vis-à-vis de ses mérites. Et chacun d'entre nous doit se remettre en question et revoir ses priorités. Est-ce que tu penses que tu vas vivre éternellement dans ce bas monde, ou bien es-tu conscient que tu es dans ce bas monde de passage pour préparer ta vie dans l'au-delà? Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ici l'ordre de mérite entre ses prières. Puis ensuite, il va nous mentionner quelques points à leur sujet. Et il a commencé par la prière du witr et il a dit « وَوَقْتُ صَلَاتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ » Et le temps de la prière du witr commence après l'Isha jusqu'au lever de l'aube, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du temps de la prière del Fajr, qui est le moment où le temps du witr est terminé. Une fois que tu as prié Salat al-Isha, il est légiféré pour toi de prier le witr. Même si tu as prié l'Isha au temps du Maghreb, comme pour le voyageur qui peut réunir les prières, à partir du moment où tu as prié l'Isha, tu peux par la suite accomplir le witr. Car le temps du witr commence après l'accomplissement de la prière de l'Isha, même si celle-ci a été réunie à la prière du Maghrib. Que ce soit pour le voyageur ou le malade, ou alors lorsque la prière est réunie dans les mosquées comme en temps de pluie par exemple. Et le temps de la prière du witr, il termine dès l'entrée du temps de la prière del Fajr. Et la preuve à ce sujet, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, la prière de nuit se fait deux unités par deux unités. Et lorsque l'un d'entre vous craint l'entrée de Subh, alors qu'il prie une unité qui fera office de witr pour ce qu'il a prié. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, lorsque l'on craint l'entrée du temps du Fajr, de faire le witr afin de clôturer la prière de nuit. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wal afdalu akhir al-layl liman wathaqa bi qiyamihi wa illa awtara qabla an yarqud. Le mieux, le plus méritoire pour accomplir le witr est la fin de la nuit pour celui qui pense pouvoir se lever. Sinon, il fera le witr avant de dormir. La preuve de ce que l'auteur a mentionné est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Jabir radiyallahu anhu qui rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire « Quiconque parmi vous craint de ne pas se lever en fin de nuit alors qu'il fasse le witr puis qu'il dorme, et celui qui pense pouvoir se lever durant la nuit alors qu'il fasse le witr en sa fin, car la lecture en fin de nuit a des témoins, et ceci est plus méritoire. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement ordonné ici à celui qui craint de ne pas pouvoir se lever, de faire le witr avant de dormir. C'est cela qui est meilleur pour lui, car sinon il risque de manquer cette prière. Mais s'il pense pouvoir se lever, alors le mieux et le plus méritoire est de l'accomplir en fin de nuit. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la lecture en fin de nuit a des témoins. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les anges de la miséricorde assistent à cette prière. Ils en sont témoins. Les anges du jour et de la nuit sont présents durant la prière effectuée en fin de nuit. De même que ce moment est le moment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au ciel le plus bas. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, qui me demande afin que je lui donne, qui m'invoque afin que je l'exauce, et qui implore mon pardon afin que je le pardonne. C'est donc un moment très méritoire, et c'est pour cela qu'il est préférable de faire le witr en fin de nuit pour celui qui pense pouvoir se lever. Mais si tu crains de ne pas pouvoir te lever, ou de tarder à te lever jusqu'à ce qu'entre l'heure de la prière d'El Fajr, dans ce cas-là, fais le witr avant de dormir, en début de nuit. Et il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَأَقَلُّهُ رَكَعَةً. Et le minimum est de l'accomplir en une unité. Le minimum pour faire le witr est une unité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Ayyub radiallahu anhu, le witr est vérité. Que celui qui veut le fasse en 5 unités, que celui qui veut le fasse en 3 unités, et que celui qui veut le fasse en une seule unité. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, il est rapporté de Ibn Abi Mulaika rahimahullah, que Muawiya radiallahu anhu a fait le witr après la prière d'Al-Isha en une seule unité. Et il y avait auprès de lui le maula d'Ibn Abbas. Ce dernier est alors parti voir Ibn Abbas qui lui a dit « Laisse-le ». Il a certes tenu compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre narration, il a dit « C'est certes un faqih, c'est certes un savant, c'est certes un connaisseur ». Donc ce qui est voulu par la mention de ce récit est que Muawiya radiallahu anhu, qui est un noble compagnon, a fait le witr en une unité. Et ceci nous démontre que ceci est le minimum. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشَرَ » Et le nombre maximum est de 11 unités, comme le démontre le hadith de Aisha radiallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11 unités, que ce soit durant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahumallahu ta'ala, a dit « وَالْأَفْضَلْ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنَ Et le mieux est qu'il fasse les salutations après chaque 2 unités et qu'il fasse le witr en une seule unité. C'est ce qui est démontré par le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma que l'on a mentionné précédemment. La prière de nuit se fait 2 unités par 2 unités. Puis lorsque l'un d'entre vous craint l'entrée du temps d'Al-Fajr, alors qu'il fasse une unité qui fera office de witr, de clôture pour ce qu'il aura prié. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَحَسَنْ. Et s'il fait autre que cela parmi ce qui est authentifié du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une bonne chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a d'autres manières de prier le witr, comme cela est rapporté authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une bonne chose d'accomplir le witr de cette manière. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr en 9 unités, en ne faisant les salutations qu'à la 9e unité. Il a prié 8 unités, sans aucune interruption entre elles. À la 8e unité, il s'est assis, il a fait le tashahhud, puis il s'est relevé et a fait la 9e unité, puis a refait le tashahhud et il a fait les salutations. Donc ceci est une manière légiférée d'accomplir le witr. Également, il l'a fait en 7 unités, de la même manière, en faisant 6 unités sans interruption, en s'asseyant à la 6e pour le tashahhud, puis en se relevant pour la 7e, en refaisant le tashahhud après celle-ci et en faisant enfin les salutations. Et également, ces 7 unités, on peut les faire en une seule fois sans interruption, sans même s'asseoir à la 6e pour le tashahhud. Mais on fait 7 unités en faisant le tashahhud et les salutations seulement à la 7e unité. Également, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait le witr en 5 unités, en ne s'asseyant et en ne faisant les salutations qu'à la dernière unité, c'est-à-dire la 5e. Donc ceci sont des manières légiférées de faire le witr. Et il n'y a pas de gêne d'agir de cette manière car cela est rapporté authentiquement de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une bonne chose de le faire de temps à autre. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَأَدْنَا الْكَمَالِ ثَلَاثِ. Et le minimum de la perfection est de le faire en 3 unités. On a vu que le minimum est de faire le witr en une unité. Le maximum est de 11 unités. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit ici, le minimum de la perfection est de le faire en 3 unités. C'est cela le minimum, si tu veux t'élever en degré et atteindre ce qu'il y a de mieux, et que tu fasses le witr en 3 unités. Et attention, la ratiba d'al-Isha ne fait pas partie de ces 3 unités, c'est une autre prière. La ratiba d'al-Isha, elle est indépendante de la prière du witr. Les 2 unités que tu fais après la prière d'al-Isha, faisant partie des 12 des rawatib. Celle-ci, elle ne fait pas partie du witr. Donc si tu veux faire le witr en 3 unités, tu feras ta ratiba d'al-Isha, et après 3 autres unités, pour le witr. Et comment accomplir ces trois unités? L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wal afdal bisalamayn, wa yajouzu bisalamin wahid, wa yajouzu kal maghrib. » Il dit le mieux est de l'accomplir avec deux salutations. C'est-à-dire que tu fais deux unités, puis tu fais les salutations, puis ensuite tu fais une autre unité, après laquelle tu fais le tashahud et les salutations. Et il est permis de la faire avec une seule fois les salutations, c'est-à-dire trois unités jointes les unes aux autres, sans s'asseoir dans celle-ci si ce n'est à la troisième, et en faisant les salutations après le tashahud que tu auras fait à la troisième unité. Et il nous dit, cela est permis comme le maghrib. Et en réalité, il est rapporté une interdiction à ce sujet. En effet, Dar-Qutni a rapporté, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas le witr en trois unités, faites-le en cinq ou en sept, et ne le faites pas ressembler à la prière du maghrib. Donc on voit dans ce hadith qu'il a interdit de faire le witr en trois unités. Pourtant, on a le hadith de Abu Ayyub radiallahu anhu qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui le veut qu'il fasse le witr en trois unités. Donc comment réunir entre ces deux hadiths? On réunit entre ces deux hadiths en disant que ce qui est visé par l'interdiction est de faire le witr en trois unités en le faisant ressembler à la prière du maghrib, c'est-à-dire en faisant le tashahud après deux unités, en se relevant et en accomplissant la dernière unité. C'est cela qui est visé par l'interdiction. Et il est permis de le faire en faisant deux unités, après lesquelles tu fais le tashahud et les salutations, et que tu fais suivre d'une seule unité. Et il est permis de l'accomplir en trois unités, pour lesquelles tu ne feras le tashahud et les salutations qu'après la troisième unité. Donc ceci est en ce qui concerne le witr en trois unités. Et la sunna pour celui qui accomplit le witr de cette manière est de réciter dans la première unité Surat al-A'la, dans la deuxième Surat al-Kafirun et dans la troisième Surat al-Ikhlas. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « وَالسُنَنُ الرَّاتِبَ عَشْرَ » et les sunan, les prières recommandées, appelées « ratiba » les rawatib, sont au nombre de 10. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici que ces prières sont au nombre de 10. Pourtant, on a vu tout à l'heure qu'elles sont au nombre de 12. Donc comment expliquer cela? La réponse est qu'il s'est basé à ce sujet sur le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit « J'ai appris du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'accomplir deux unités avant le dhuhr, deux après le dhuhr, deux après le maghrib, deux après l'isha et deux avant al-fajr. » Donc ceci fait un total de 10 unités. C'est pour cela que certains ont dit concernant al-rawatib qu'elles sont de 10 unités. Toutefois, le plus juste est qu'elles sont au nombre de 12, comme cela est confirmé dans le hadith de Aisha radiallahu anha qui a dit « Il priait dans ma maison 4 unités avant d'or, puis il allait diriger la prière aux gens, ensuite il revenait prier. » Deux unités dans ma maison. Donc on voit que cela est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu tout à l'heure aussi le hadith de Habiba radiyallahu anha rapporté par At-Tirmidhi dans lequel il est mentionné que ces unités sont au nombre de 12, 4 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha et 2 avant al-fajr. Donc les sunan rawatib sont au nombre de 12. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وَفِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ et les faire à la maison est meilleur et plus méritoire. Comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait dans sa maison. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, priez, ô vous les gens, dans vos maisons, car la meilleure prière de l'homme est la prière qu'il accomplit dans sa maison, à l'exception de la prière obligatoire. À l'exception de la prière obligatoire, car l'homme est tenu de l'accomplir en groupe. Donc la meilleure prière que l'homme puisse accomplir parmi les prières surrogatoires est celle qu'il accomplit chez lui. Et en agissant ainsi, la personne est plus à même de se préserver de toute forme d'ostentation. Ceci est plus pur pour son cœur et plus proche de la sincérité, bi'idhnillahi ta'ala. Et de même, c'est une manière de ne pas faire de ta maison un endroit semblable à un cimetière dans lequel on ne prie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, ne faites pas de vos demeures des tombes. Ne faites pas de vos demeures des tombes. Priez dans vos maisons. Certaines personnes ne prient qu'à la mosquée. Il fait toutes ses prières surérogatoires à la mosquée. Donc bien entendu, il est difficile parfois d'accomplir les prières qui précèdent les prières obligatoires comme les deux avant le fajr ou deux et deux avant le dhuhr, il est difficile de les accomplir chez soi. Car parfois en raison de la distance de la mosquée et le temps réduit qu'il y a entre l'adhan et l'iqama, la personne ne peut pas les faire chez elle puis ensuite se rendre à la mosquée au risque d'être en retard ou au minimum de louper le premier rang. Donc celle-ci, il n'y a pas de gêne à les accomplir à la mosquée, inshallah ta'ala. Mais les prières surérogatoires qui suivent les prières obligatoires, comme les deux après le dhuhr, les deux après le maghreb, les deux après l'isha, le witr, celles-ci au minimum accomplis-les chez toi. Et ceci est la sunna et cela est plus méritoire, bi'inillah ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit وَهِيَ رَكْعَتَانْ قَبْلِ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَانْ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانْ بَعْدِ الْعِشَى وَرَكْعَتَانْ الْفَجْرِ. Donc, elles sont deux unités avant le dhuhr, et on a vu qu'en réalité, il y a quatre unités avant le dhuhr, comme dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, deux après le dhuhr, deux après le maghreb, deux après l'Isha et deux avant al-fajr. Ensuite, il dit, وَيُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. Et il allège les deux unités d'al-fajr. Comme cela est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alléger les deux unités qu'il faisait avant la prière de l'aube, au point que je me dise, a-t-il récité la mère du livre? C'est-à-dire, a-t-il récité Surat al-Fatiha? Tellement il écourtait ces deux unités, comparé à son habitude qui était d'allonger les prières, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيَقْرَهُ فِيهِمَا بِسُرَتَيِ الْإِخْلَاصِ. Et il récite dans celle-ci, dans les deux unités qui précèdent la prière obligatoire d'El Fajr, les deux sourates de la sincérité. Qu'est-ce qui est visé par les deux sourates de la sincérité, du culte exclusif? Sourate Al-Kafirun, dans la première unité, et Sourate Al-Ikhlas, dans la deuxième unité. C'est ces deux sourates qui sont recommandées de lire dans les deux unités qui précèdent la prière obligatoire d'El Fajr. Et il est recommandé de les réciter aussi dans les deux unités qui suivent la prière d'El Maghrib. La ratiba del maghrib. Ensuite, il dit, toujours concernant les deux, rak'atay al-fajr, les deux unités avant le fajr, وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَا الَّتِي فِي الْبَقَرَ. Ou alors, il récite la parole d'Allah, qui est le verset 136 de Sourate al-Baqarah, qui commence par قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. Dites, nous avons eu foi en Allah et en ce qui est descendu sur nous. Ceci dans la première unité, il récite ce verset. وَفِي الثَّانِيَا, et dans la deuxième unité, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْآيَةِ. Dans la deuxième unité, il récite le verset 64 de Sourate Al-Imran, qui commence par « Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. » Ceci est également une sunna de réciter ces deux versets dans les deux unités qui précèdent la prière obligatoire d'El Fajr. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَهُ فِعْلُهَا رَاكِبًا. Et il peut les accomplir sur sa monture. Il est possible, pour celui qui est en voyage, d'accomplir l'ensemble de ses prières surérogatoires alors qu'il est assis dans son moyen de transport, que ce soit la voiture, l'avion, le train ou autre. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait les prières surérogatoires assis sur sa monture lorsqu'il était en voyage, comme cela est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et lorsque venait le moment de la prière obligatoire, il descendait et se mettait en direction de la Qibla. Donc on voit à travers cela la permission pour le voyageur d'accomplir ses prières surérogatoires assis, même s'il n'est pas en direction de la Qibla. Et le mieux est de faire le takbir en te mettant en direction de la Qibla, puis ensuite de t'asseoir et de continuer ta prière, peu importe la direction dans laquelle tu te trouves. Et ceci est spécifique aux prières surérogatoires que tu accomplis durant le voyage. Quant aux prières obligatoires, tu devras impérativement descendre de ce moyen de transport et accomplir ta prière debout en te mettant en direction de la Qibla. Ça, c'est très important à souligner. Et lorsqu'on dit spécifique au voyage, cela concerne plus particulièrement l'orientation vers la Qibla. Quant au fait de prier assis, les prières surérogatoires, comme on l'a vu dans des cours précédents, il n'y a pas de gêne. Même pour celui qui n'est pas malade, même si tu n'es pas en voyage, que tu as envie de prier une prière surérogatoire assis, il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala, que tu sois dans un moyen de transport ou autre. Ensuite, il dit, rahimahullah, wala sunna lil jum'ati qablaha wa ba'daha rak'atan aw arba'. Et il n'y a pas de prière sunna, il n'y a pas de prière recommandée avant la prière d'al jum'a. Et après elle, il est recommandé de faire 2 ou 4 unités. Donc la prière d'al jum'a, elle n'a pas de sunna ratiba qui la précède. Toutefois, celui qui entre à la mosquée le jour du vendredi, il lui est permis d'accomplir ce qu'il veut comme prière. Il peut faire des prières de 2 unités, puis 2 unités, puis 2 unités, jusqu'à ce que l'imam arrive et monte sur le minbar. Il n'y a pas de gêne en cela. Et c'est ce qui est rapporté de certains parmi les compagnons radiyallahu anhum. Et on trouve dans un hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait son rousl, le grand lavage, puis se rend à la prière d'El Jumu'a, puis qui prie ce qui lui a été écrit, puis qui prie ce qui lui a été écrit. 2 unités, 4 unités, 6 unités, ce qui lui est facilité. Il peut prier jusqu'à l'arrivée de l'imam, il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Puis, qui écoute attentivement, qui garde le silence, jusqu'à ce que l'imam termine son sermon. Puis qui prie avec lui. Il lui sera pardonné ce qu'il y a entre ce vendredi et le vendredi suivant, et un supplément de 3 jours. C'est-à-dire qu'il obtiendra le pardon de ses péchés pour 10 jours. Toute la semaine qui arrive, puis 3 jours encore. Celui qui fait son rousl, qui va au Jumu'ah, qui prie ce qui lui a été destiné, ce qui lui a été écrit, qui écoute attentivement le sermon en gardant le silence, puis qui prie avec l'imam. Il se voit pardonner les péchés de 10 jours. Donc on voit que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sont très vastes, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous en priver. Ensuite, concernant la ratiba qui suit la prière d'El Jumu'ah, alors la sunna est de faire 2 ou 4 unités. Car Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a fait 2 unités chez lui, après la prière d'El Jumu'ah. Et il a dit, c'est ainsi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Et dans un autre hadith, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous prie Al Jumu'ah, qu'il prie après elle 4 unités. Et ces 2 hadiths sont rapportés par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et les savants ont réuni entre cela en disant que, celui qui prie à la mosquée, il lui sera recommandé de prier 4 unités, 2 et 2. Et celui qui prie en rentrant chez lui, il lui sera recommandé de prier 2 unités. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَتُجْزِيُ السُنَّةِ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ. Et l'accomplissement de la prière sunnah compense l'accomplissement de la prière de salutation de la mosquée. Elle suffit. C'est-à-dire que si tu accomplis après l'adhan 2 unités, qui sont 2 unités de ratiba, tu entres pour la prière d'El Fajr, et tu fais 2 unités, qui sont tes 2 unités de rak'at et El Fajr. Ceci est suffisant et tu n'auras pas besoin de prier la prière de salutation de la mosquée. Car la prière de salutation de la mosquée, c'est quoi? C'est le fait de prier 2 unités avant de s'asseoir, et là tu as prié 2 unités déjà. Ce n'est pas une prière qui est visée en elle-même. Il y a certaines personnes qui rentrent au Fajr, qui font 2 unités pour Tahiyyat al-Masjid, puis ensuite qui font 2 unités pour Sunnat al-Fajr. Et ceci est contraire à ce qui est légiféré. Car durant ce temps, il n'est permis que d'accomplir Sunnat al-Fajr et la prière obligatoire d'al-Fajr. Donc tu accomplis Sunnat al-Fajr et tu n'as pas besoin d'accomplir en plus la prière de salutation de la mosquée, car tu as atteint l'objectif qui est de prier 2 unités avant de s'asseoir. Et même si tu rentres à la mosquée alors que l'imam a déjà commencé de prier, tu entres pour la prière d'El Fajr ou la prière d'Dhuhr ou n'importe quelle autre prière. L'imam est en train de prier, donc tu t'insères avec lui. Est-ce qu'après la prière obligatoire, on va dire que tu rattrapes Tahiyyat al-Masjid? Non. Tu as accompli Tahiyyat al-Masjid, car Tahiyyat al-Masjid, c'est de ne pas s'asseoir avant d'avoir accompli 2 unités. C'est ce que tu as fait. Tu auras accompli 2 unités ou plus. Ensuite, il dit, وَيُسَنُّ لَهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالسُنَّةِ بِكَلَامٍ أَوْ قِيَامٍ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et il est recommandé pour lui de séparer entre la prière obligatoire et la prière sunnah, la prière recommandée, par une parole ou le fait de se lever, de changer de place. D'après le hadith de Muawiyah, radiyallahu anhu. En effet, Muawiyah, radiyallahu anhu, a dit, lorsque tu pries, al-jumu'ah, ne la fais pas suivre d'une prière avant d'avoir parlé ou d'être sorti. Car certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné cela, que l'on ne lie pas la prière à une prière avant de parler ou de sortir. Les gens de science ont donc dit qu'une fois que tu as fait les salutations finales de ta prière obligatoire, il ne convient pas de te lever immédiatement pour faire deux unités surrogatoires à la même place. Mais tu dois séparer entre ces deux prières, ou bien par une parole, que ce soit des paroles que tu échanges avec les gens, ou alors tes adhkar, si tu as fait tes adhkar suivant la prière, alors tu auras séparé ces deux prières. Ou alors, si tu es pressé, tu te lèves et changes de place. Mais après les salutations finales, c'est une erreur de se lever directement et d'accomplir la prière surrogatoire, tout en sachant qu'il ne convient pas de délaisser les adhkar après les prières obligatoires. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا اِسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاءُهُ. Et celui qui a manqué une de ses prières, une des prières ratiba, il est recommandé pour lui de la rattraper. Quelle que soit la prière ratiba que tu as manquée, si tu ne l'as pas délaissée volontairement, tu es arrivé en retard à la mosquée, pour le fajr ou pour le dhor, l'imam avait déjà commencé la prière. Il te sera permis après la prière de la rattraper. Après le dhor, tu pensais rentrer chez toi immédiatement et faire ta ratiba, mais tu l'as manquée. Tu as été retardé dehors ou alors tu es arrivé et l'as oublié ou a été pris par diverses occupations au point que l'heure de la prière d'Al-Asr arrive. Il te sera permis de rattraper la ratiba de Dhor après la prière de l'Asr. Et ainsi de suite parmi les autres rawatib. La preuve à ce sujet est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'a pas prié rak'atay al-fajr, les deux unités recommandées avant le fajr, alors qu'ils les accomplissent après le lever du soleil, c'est-à-dire après Shuruq. Il est recommandé d'attendre le Shuruq et d'attendre une quinzaine de minutes après celui-ci pour rattraper ces deux unités si tu les as manquées. Et si tu crains de ne pas pouvoir le faire, tu peux les rattraper directement après la prière. Comme cela est venu dans le hadith de Qais ibn Amr, qui a rattrapé les deux unités de Sunnah d'Al-Fajr après la prière d'Al-Fajr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé en cela. Également, il est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a rattrapé un jour la ratiba d'ad-dhuhr après al-asr, car il a été occupé par une délégation qui était venue à lui. Donc celui qui manque une ratiba, il est légiféré pour lui de la rattraper, afin de rester assidu à l'accomplissement de ses prières et de ne pas les négliger. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُسْتَحَبْ أَنْ يَتَنَفَّلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ » Donc ici, il parle d'une autre forme de prière surrogatoire qui concerne la prière surrogatoire entre l'adhan et l'iqamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Entre chaque appel, il y a une prière. Entre chaque appel, il y a une prière. Entre chaque appel, il y a une prière. » Puis il a dit la troisième fois « Pour celui qui veut. » Et ce qui est visé par « entre chaque appel », c'est-à-dire « entre l'adhan et l'iqamah ». Il est donc légiféré de faire deux unités de prière entre l'adhan et l'iqama. Pour le fajr, tu vas déjà faire la ratiba. Pour le dhuhr, tu vas déjà faire la ratiba. Donc ceci sera légiféré pour al-asr, al-maghrib et al-isha, de faire deux unités de prière entre l'adhan et l'iqama. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَالتَّرَاوِحْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Et la prière de Tarawih est une sunna établie par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est visé par Tarawih, c'est la prière de nuit durant le mois de Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a accompli. Il a prié avec ses compagnons certaines nuits, puis il l'a délaissée par peur que cette prière devienne pour eux obligatoire. Comme cela est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit qu'une nuit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié dans la mosquée. Les gens se sont alors mis à prier avec lui. Puis le lendemain, les gens étaient plus nombreux. Puis ils se sont réunis la troisième ou la quatrième nuit, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Le matin venu, il leur a dit « Je vous ai certes vu, et rien ne m'a empêché de sortir à vous, si ce n'est que j'ai craint que celle-ci devienne obligatoire pour vous. Telle était la crainte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il n'a pas continué de prier la nuit avec ses compagnons durant le mois de Ramadan. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, cette crainte s'est dissipée car la charia, la législation était établie et plus rien ne pouvait devenir obligatoire en islam. C'est pour cela que les compagnons radiyallahu anhum après lui et les musulmans après eux ont pris cette habitude d'accomplir salat al-tarawih en groupe dans les mosquées. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa fi'luha jama'a afdal, et l'accomplir en groupe est meilleur. Wa yajharu al-imam bil qira'a li naql al-khalafi 'an as-salaf, et l'imam récite à voix haute dans cette prière comme cela est rapporté des successeurs d'après les prédécesseurs. Wa yusallimu min kulli rak'atayn li hadith salatul layl mathna mathna, et il fait le salam après chaque deux unités. Après chaque prière de deux unités, il fait des salutations. Durant la prière de Tarawih, d'après le hadith, la prière de nuit s'accomplit deux unités par deux unités. Wa waqtuha ba'da al-Isha, et son temps est après la prière de l'Isha. Wa sunnatuha qabla al-witr ila tulu' al-fajr, et la sunna est de la faire avant le witr et avant le lever de l'aube. Wa yutiru ba'daha, et il fait le witr après la prière de Tarawih. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّد جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ, et s'il fait le tahajjud, il vise par cela s'il prie en fin de nuit, alors il fera le witr après sa prière en fin de nuit. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا, faites que votre dernière prière de nuit soit une prière impaire, que ce soit le witr. Donc celui qui prie en fin de nuit, il fera le witr après cette prière qu'il accomplit en fin de nuit. فَإِنْ أَحَبَّ مَنْ لَهُ تَهَجُّد مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامِ فَجَاءَ بِرَكْعَةَ, et si celui qui a l'habitude de prier seul en fin de nuit veut tout de même suivre l'imam et accomplir la prière de Tarawih avec l'imam, alors l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit qu'il pourra, s'il le souhaite, faire le witr avec l'imam, et lorsque l'imam fera les salutations finales, il ne fera pas les salutations finales avec lui, mais il se relèvera et complétera une unité pour rendre cette prière paire. Et ensuite, il fera son witr seul en fin de nuit. Et il dit, لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, on lui inscrit la prière d'une nuit complète. Et ce hadith est authentifié par التِّرْمِذِيُّ. Donc on voit que celui qui fait la prière de Tarawih entièrement avec l'imam, du début à la fin, et qui termine avec lui, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Donc en réalité, le mieux pour la personne, surtout s'il prie derrière un imam qui fait 11 unités, qui prie sur la sunna, est de ne pas ajouter à cette prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus de 11 unités durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. En plus de cela, si tu as fait ces 11 unités avec l'imam, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Donc, il sera recommandé pour la personne après cela de s'occuper par d'autres adorations, comme la lecture du Coran, le dhikr et ainsi de suite. Et si la personne ne trouve de facilité que dans la prière, et qu'elle veut ajouter à cette prière, alors il n'y a pas de gêne, Inch'Allah ta'ala, car ceci reste permis et l'essentiel, et que le musulman s'occupe dans le bien et les bonnes actions, notamment durant les nuits de Ramadan. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, étant donné que la prière de nuit se fait par de longues récitations du Coran, il a mentionné certaines règles liées à la mémorisation du Coran, à son apprentissage et à sa lecture. Et on verra cela, Inch'Allah ta'ala, lors de notre prochain cours. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.